Bon matin tout le monde, Danny Veilleux et le bulletin de sport local et régional de l'édition du 13 janvier. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant qu'on vous a annoncé une primaire hier sur notre page Facebook. C'est que le club de golf de Saint-Prime a obtenu le championnat junior de golf pour 2017. C'est le président Rémi Curtinus qui a fait l'annonce sur les ondes de danradiosport.com hier. On va écouter là-dessus Rémi Curtinus. Depuis le printemps passé, finalement, qu'on a décidé d'adresser une demande à Golf Québec. Puis comme je te le disais, tous les clubs de la région sont unanimes. Puis derrière la demande du club de golf de Saint-Prime, il n'y a aucun autre club en région qui va nous compétitionner. Donc, c'est sûr et certain que 2017, ça va être confirmé prochainement, que s'imprime sur le lac Saint-Jean. Rémi Curtinus a mentionné que malgré un déficit de 35 000 $ sur un budget de 500 000 $ il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent à Saint-Prime. L'objectif mesurable qu'on voulait atteindre puis de ce qu'on voulait améliorer, particulièrement la qualité du parcours, puis on l'a eu, puis les performances de nos golfeurs, je pense, en témoignent. La qualité du service, mais surtout la qualité de l'accueil et la courtoisie, puis l'ensemble des employés ont répondu présent là-dessus, d'une part, puis d'autre part, l'arrivée de Gilles Larouche à la direction générale et Jonathan Lambert avec notre surintendant Jean Grenier, puis l'adjointe à la direction, puis l'ensemble de nos employés, ça a fait en sorte qu'effectivement, s'imprime sur le lac Saint-Jean, puis je le dis avec fierté également parce que c'est le cas. Il a brillé cet été, il s'est distingué là sur le plan régional. N'eût été de ce déficit-là, nous autres, puis encore là, je le réitère, là, c'est largement imputable à la mauvaise température de cet été, puis c'est le cas pour tous les clubs. On a connu une saison extraordinaire à Saint-Prime-sur-la. Effectivement. C'est au niveau de la... Parlons maintenant du côté des partiels de terrain. Il y a 28 personnes qui se sont montrées intéressées à acheter des terrains et on devrait en vendre 22. Ça devrait commencer au cours de la prochaine année. Yves Gravel se joint au conseil d'administration en remplacement de Roger Guillemette. Les Saguenay-Chicoutimi ont perdu hier contre le Drakkar de Baie-Comeau par la compte de 3-2. Dimitri Zoukenov a marqué un but et une passe. Il y a également Nicolas Roy qui a marqué dans la défaite. Maintenant, classement pas, comme on vous le donne à tous les semaines, les Castors de Delbeau occupent le 6e rang au niveau midget. Le Marcos Pop de Saint-Félicien occupe le 9e rang et les Ambassadeurs de Chipogamo le 107e rang. Niveau Bantam, les Rapides de Delbeau-Mississi sont en 58e place. Les Hurricanes de Mastouillache en 59e place et les Ambassadeurs de Chipogamo occupent le 94e rang. Du côté maintenant junior, les Sambres de Roberval sont au 20e rang et les Épervier de Normandin au 25e rang. Parlons de ski maintenant avec l'appui et le redout des derniers jours. Plusieurs se demandent ce qui se passe avec les pistes de ski de fond au centre de ski de Domiski. Ben, ce matin, Guillaume Petrin a expliqué à danradiosport.com qu'on a travaillé fort pour aménager les pistes afin qu'ils soient potables. On va écouter là-dessus le directeur général du centre de ski de Domiski, Guillaume Petrin. Ah, l'état des pistes s'améliore. Tu me connais d'un éternel optimiste, mon cher Danny. Donc, on travaille très fort pour... préserver le peu de neige qu'on a et puis en partenariat avec la ville, on se fait livrer de la neige, des camions de neige. C'est de la neige propre, dans le fond, c'est de la neige qui est cherchée à des endroits stratégiques spécifiques okay. Là, qui sont autorisés. Donc on se fait livrer un peu de neige pour ça. On est quand même capable de travailler des pistes, des sentiers dans les bois, de ce qu'ils font, de fat bike, tout ça. Donc pour ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis moi j'ai bon espoir là, la petite neige là, de la dernière nuit puis annoncée dans les prochains jours là, on devrait être capable d'offrir de bonnes conditions de glisse autant pour la glissade sur le sub que pour l'ensemble du centre. Le sport local régional à danradiosport.com, on s'en occupe.